Thank you.

train is coming. Got to keep on running. Make a man, he's making bread. The night train is coming. Make a man, he's making bread. Make a man, he's making bread. Oh yeah, make a man, he's making bread. Night train is coming. Thank you. coming. Tu sais où l'on vient, story of tu sais où l'on va. Ce que l'on fait est pour qui on fait ça. Quand on parle de quoi on cherche. D'un côté ça gueule, de l'autre on n'entend pas. J'aime pas ces paroles à la con. Encore une arnaque. Oh.